Merci. Sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Penaud et ses rendez-vous avec X. Il s'agit certainement de l'histoire la plus rocambolesque, la plus mystérieuse aussi, de la Deuxième Guerre mondiale. L'arrivée surprise en Écosse, en mai 1941, du troisième personnage du régime nazi, Rudolf Hess. Il est né en 1896 en Égypte, où son père était négociant. Mais il fait ses études secondaires en Allemagne. Parlant français et anglais, le jeune Hess travaille dans une maison d'exportation de Hambourg. Mais la guerre de 14 arrive, le jeune homme est mobilisé. Il achève la guerre en tant que lieutenant dans l'aviation. Il reprend ses études en 1919 à l'université de Munich. Il y rencontre le premier homme qui va avoir une influence déterminante sur lui, le professeur Karl Haushofer, dont les idées vont marquer les débuts du nazisme. Et justement, à Munich, Hess sympathise avec le deuxième grand homme de sa vie, Adolf Hitler. Lorsque l'ancien caporal crée son parti, il est l'un des premiers à s'y inscrire. Et bientôt, il participe au putsch de Munich, aux côtés de Ludendorff et de son mentor et ami Hitler. Toujours avec ce dernier, il est arrêté, condamné et emprisonné. Pendant 9 mois, il partage la cellule du futur Führer. De ce compagnonnage obligé sort la Bible du nazisme, Mein Kampf. À partir de là, le fidèle Hess devient l'indispensable bras droit de Hitler, dont il partage tous les épisodes de son irrésistible et violente ascension. Le 30 août 1939, juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler en fait son ministre de la Défense. Rudolf Hess devient réellement le troisième personnage du régime, juste derrière Göring, même si, après le déclenchement de la guerre, Hitler semble le tenir un peu à l'écart ou en réserve. La stupéfaction est donc totale lorsqu'on apprend, quelques semaines avant l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes, l'arrivée en territoire allié de ce dignitaire du Troisième Reich. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Il se trouve qu'en 1941, je me trouvais alors en Angleterre. Du côté des Français libres. Oui, je crois que je vais en avoir déjà parlé. Ouais, ouais. Je ne vous cache pas que mes compagnons et moi n'avons pas cru à cette nouvelle invraisemblable. Ça sentait l'intox, si vous me permettez cette expression. Mais nous avons dû nous rendre à l'évidence, c'était bien l'ami le plus proche du Führer qui venait d'atterrir en Écosse. Alors, rappelez-moi, dans quelles conditions exactement? Attendez, je vais y venir. Mais ce qui nous a étonné, le mot est faible, c'est l'attitude des autorités anglaises et de Churchill en particulier. Expliquez. N'importe quel gouvernement aurait exploité à des fins de propagande cette extraordinaire histoire. Pensez, un dignitaire nazi aussi important, un fidèle ami d'Hitler qui fuit l'Allemagne, c'était pas un béni, si je puis dire. Eh bien non, Churchill demeure étonnamment discret, mieux, il met Rudolf Hess au secret et interdit tout contact avec lui. Ah, j'imagine que vous avez une explication. Oui, mais chaque chose en son temps. Vous m'avez demandé comment Hess était arrivé en Écosse. C'est... d'accord. La version officielle, c'est que Rudolf Hess a lui-même donné celle-ci. Depuis quelque temps, Hess est inquiet. Il pense qu'il faut faire la paix avec l'Angleterre afin d'avoir les mains libres sur d'autres fronts. Le front de l'Est, j'imagine. Bien évidemment. Pour Hess, le véritable ennemi, c'est le bolchevisme. Et dans ce combat contre le communisme, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont forcément dans le même camp. Il décide donc, de sa propre initiative, de prendre langue avec les Anglais afin de discuter les éventuelles conditions de la paix. Vous avez dit de sa propre initiative? Je vous ai dit que je vous donnais la version de Rudolf Hess. Ah, d'accord, alors continuez. Il imagine d'abord de nouer un contact avec un homme qu'il a connu lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, Lord Hamilton. Mais le contact tarde à se réaliser. Alors Hess décide de se rendre en Écosse, là où le duc, qui est aussi membre conservateur du Parlement et commandant d'aviation, possède un château. Tout simplement. Oui, et il se prépare secrètement à partir. Comme pour des mesures de sécurité, Hitler a interdit à tous les principaux responsables du Reich de prendre l'air. Rudolf Hess se débrouille pour se faire prêter par son ami Messerschmitt un tout nouvel avion qui vient de sortir de ses chaînes. Le constructeur Messerschmitt. Oui, oui, oui. Il effectue des vols d'essai, fait ajouter des réservoirs, et le 10 mai, après avoir confié à son aide de camp des lettres destinées à Hitler, il décolle d'Augsbourg, direction la mer du Nord. Pour atteindre l'Écosse, il doit parcourir 1300 km. et il arrivera de nuit afin d'échapper à la chasse anglaise. Et alors, tous ces préparatifs-là n'ont pas donné l'éveil. Je vous rappelle que c'est la version S. Ah bon, alors, admettons, continuez. Il faut noter que cette même nuit aura lieu un des derniers et très importants bombardements aériens allemands sur l'Angleterre. Il y a un rapport, là ? Non, juste une coïncidence, à mon avis. Quand le Messerschmitt de Rudolf Hess arrive en vue des côtes écossaises, il est pris en chasse par un Spitfire. Mais il plonge dans les nuages et met le cap sur le domaine de Lord Hamilton, près de Glasgow. Mais il compte atterrir ? Non, il va sauter en parachute. Ah, courageux, quand même. Assurément, et c'est ce qu'il fait. Il se reçoit sur le sol assez lourdement et se blesse une jambe. Mais, coup de chance, il se trouve à une dizaine de mètres d'une ferme. Et le paysan qui l'habite le fait entrer chez lui. Il est en uniforme ? Oui, et il se présente comme étant le capitaine Horn et demande à voir son ami le duc de Hamilton à qui il doit remettre un message urgent. Mais comment réagit le fermier là devant cet officier allemand tombé du ciel ? Ben, il prévient les autorités et le prétendu Horn est arrêté par quelques policiers locaux et méchés d'ailleurs. On est samedi et les Écossais ne crachent pas sur le whisky comme vous le savez. Ouais, pure médisance ça. Hein. Allons. Mais est-ce que Lord Hamilton est prévenu de l'arrivée de ce parachutiste qui demande à la voir de Oui, mais Hamilton ne semble guère pressé de voir l'Allemand. Et pourquoi, vous avez une idée ? Je pense que le duc a aussitôt compris qui était réellement ce Horn. Et comment alors ? Il savait très bien que Hess avait déjà essayé de le joindre. Il avait même reçu une lettre de lui via Lisbonne. Donc Hamilton savait à quoi s'en tenir ? Exact. Mais tout cela lui paraissait très compromettant. Et le lendemain matin, quand il est enfin venu voir Hess, il a exigé d'être seul avec le prisonnier. Pour ne pas qu'on entende leur conversation. Ça me paraît évident. Donc il ne voulait pas qu'on sache qu'il connaissait déjà Hess. Oui. Et d'ailleurs, il a toujours nié l'avoir rencontré avant son parachutage au-dessus de l'Écosse. Bizarre, hein ? Tout à fait. Et je peux vous le dire tout de suite, c'est une des clés de cette affaire. Nous allons y revenir. Mais laissez-moi d'abord poursuivre. Après la confusion qui a suivi l'arrivée de Rudolf Hess, les plus hautes autorités anglaises sont enfin informées que c'est probablement le numéro 3 du régime nazi qui a sauté en parachute au-dessus de l'Écosse. Et Churchill envoie un homme interroger le faux homme. Qui est cet homme ? Un directeur de la radio, un type qui a été longtemps correspondant de la BBC à Berlin et qui connaît donc très bien les dirigeants nazis. Et effectivement, dès que cet homme, un certain Kirkpatrick, est mis en présence du prisonnier, il identifie aussitôt Rudolf Hess. Et il a une longue conversation avec lui. Ah, alors que dit Hess Il affirme d'abord que c'est à l'insu de son Führer qu'il est venu en Angleterre. Son objectif, c'est de convaincre des personnalités anglaises responsables que la Grande-Bretagne ne peut gagner la guerre. Il convient donc de faire la paix au plus vite afin d'éviter les massacres qui s'en suivront inévitablement. Il ajoute que Hitler n'a pas l'intention de s'attaquer à l'Empire anglais. Il veut simplement qu'on lui laisse les mains libres en Europe continentale. Et ça, c'est pour attaquer l'URSS, hein, mais vous avez parlé de massacres, là, Hitler en 1941. Pensez encore pouvoir débarquer en Angleterre ? Non, mais Hess a déclaré que bientôt l'Allemagne disposerait d'armes de destruction nouvelle. La bombe atomique ? La bombe atomique, mais aussi de nouveaux avions sans pilote. Ah oui, les V1 et les V2. Hein. Oui, des armes capables de frapper au cœur des villes et de provoquer des dégâts considérables. Et donc Hess livre des informations capitales. Hein. C'est juste. Et ça pourrait expliquer ensuite que Churchill l'ait mis au secret. Oui, mais Churchill avait bien d'autres raisons de l'isoler. Et d'abord parce que cette arrivée insolite en territoire ennemi d'un dignitaire nazi était peut-être le fruit d'une extraordinaire manipulation des services britanniques. Ian Fleming, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr, c'est le créateur de James Bond. Mais c'était aussi un agent anglais. Et on pouvait penser que cet homme imaginatif avait joué un rôle éminent dans l'aventure de Rudolf Hess. Avant d'écouter la suite du récit de Monsieur X et donc la relation du rôle qu'aurait joué le père de James Bond dans la fuite de Rudolf Hess, je vous propose de nous intéresser aux réactions allemandes. Pendant 3 jours, Berlin se tait. Mais dans les cercles nazis les plus proches du pouvoir, on murmure que le Führer est fou de rage. Lorsque Londres annonce la nouvelle du parachutage de Rudolf Hess, les autorités allemandes sont obligées de publier enfin un communiqué. On y lit que Rudolf Hess souffre depuis longtemps d'hallucinations, ce qui explique qu'Hitler lui a défendu de voler. Mais Hess a perdu la raison et a désobéi aux ordres de son Führer. Il a emprunté un avion et il a disparu. Cette allusion à la folie de Rudolf Hess n'est pas vaine. On sait depuis longtemps que l'ami d'Adolf Hitler se passionne pour l'occultisme et fréquente des sociétés ésotériques. Et pour revenir aux propos de M. X, Ian Fleming aurait profité de cette passion du ministre allemand de la Défense pour l'attirer dans un piège. Vous savez sans doute qu'on a souvent associé hitlérisme et occultisme. À cause de la croix gammée, hein? En partie, oui. La croix gammée, la svastika, est un signe religieux très ancien, originaire de l'Inde. Il symbolise sans doute la rotation du soleil. Mais la svastika indienne est dextrogyre, c'est-à-dire qu'elle tourne vers la droite, tandis que la croix gammée nazie est sénestrogyre, c'est-à-dire qu'elle tourne vers la gauche. Pour les occultistes, c'est donc un signe noir. Ouais, maléfique, c'est ça. Oui, mais pour les hitlériens, cette svastika est le symbole d'un paradis perdu, celui de Thulé, une contrée mythique localisée dans le Grand Nord et où vivait une race supérieure des surhommes, les Aryens. Oui, fantasme, quoi. Mais est-ce que cette Thulé a quand même une réalité historique? Bon, pas plus que l'Atlantide. Et d'ailleurs, cette contrée imaginaire aurait sombré dans les flots comme l'Atlantide. Mais quelques Aryens auraient survécu à cette catastrophe. Ouais, par hasard, des grands blonds aux yeux bleus. Voilà, des Germains pur jus. Et c'est sur cette mythologie de pacotille qu'Hitler et les autres ont bâti leur théorie raciale et raciste. Mmh. Est-ce que c'est Hitler qui l'a inventé, cette... Non. Non, il existait avant même la naissance du nazisme, une société de Thulé créée par quelques illuminés. Une société qui va être véritablement le creuset de l'hitlérisme et à laquelle vont adhérer beaucoup de dignitaires du nazisme. Rudolf Hess, par exemple? Bien évidemment. Et c'est là qu'il va rencontrer un personnage qui va avoir une grande influence, non seulement sur lui, mais aussi sur Hitler. Ouais, et qui est celui-là? Un certain Haushofer, Karl Haushofer, un ancien militaire et professeur d'université qui a beaucoup bourlingué en Extrême-Orient et qui est féru d'occultisme, un type brillant, fascinant même. Une sorte de gourou? Oui, et aussi un spécialiste de géopolitique. C'est lui, par exemple, qui a inventé la funeste doctrine de l'espace vital. Une doctrine qui va justifier les conquêtes territoriales de Hitler, puisque la race supérieure allemande doit pouvoir géographiquement s'épanouir. J'ajoute que toute sa vie, Karl Haushofer a été le mentor de Rudolf Hess. Celui-ci ne faisait jamais rien sans lui demander son avis. Hess était aussi très ami avec son fils, Albrecht Haushofer, un personnage dont on va reparler. Mais si Haushofer était le mentor de Hess, j'imagine qu'il a peut-être joué un rôle dans son aventure écossaise? Bien entendu, et son fils également. Voyez-vous, Haushofer était alors partisan d'associer l'Angleterre au combat anti-bolchevique de son ami Hitler. Revenons un peu en arrière. Là, que vient faire Ian Fleming dans tout ça? J'y viens. Une parenthèse d'abord. Je ne prends pas du tout à mon compte ce que je vais vous raconter. Et pourquoi? Parce que je n'y crois pas. Ah bon? Mais ça mérite quand même d'être relaté parce que c'est une version très astucieuse et qui frôle parfois la vérité. Il s'agit donc d'une version un peu romanesque. Évidemment. Fleming n'était pas encore l'auteur à succès qu'on connaît, mais il avait déjà une sacrée imagination. Alors voilà. Fleming, à l'époque, vient d'entrer dans les services secrets britanniques après avoir exercé divers métiers, dont celui de journaliste. Avec son chef direct, Maxwell Knight, qui lui servira plus tard de modèle pour le personnage de M, le patron de James Bond. Le fameux patron de... Ouais. Il s'intéresse depuis longtemps aux activités des sociétés occultes. Mais pour quelle raison exactement ça? Fleming et son chef savent que ces officines, comme beaucoup de sectes aujourd'hui, dissimulent des activités extrémistes. Des activités extrémistes de droite? Bien entendu. Ouais. Or, dans ces années-là, où pullulent les sociétés ésotériques, les services secrets anglais se rendent compte que certaines d'entre elles servent à propager la propagande pro-allemande. Et à leur tour, ils décident de les infiltrer. C'est là qu'intervient Fleming. Racontez. Sa cible, c'est un personnage dont vous avez sans doute entendu parler, un Anglais, Aleister Crowley. Ah oui, celui qui se faisait appeler, je crois, l'Antéchrist. Lui-même. Hein. Ouais. Un type particulièrement sulfureux qui s'est d'ailleurs fait expulser de France à la suite d'un crime rituel. Ouais. Or, Crowley connaît très bien Haushofer. Il sait que ce n'est pas un ennemi forcené de l'Angleterre. Il sait surtout qu'il a une influence énorme sur Rudolf Hess. Fleming va donc essayer d'approcher Hess grâce à Crowley. C'est un petit peu plus compliqué que cela, mais en se servant donc de ses réseaux occultistes, Fleming fait savoir à Haushofer, et donc à Rudolf Hess, qu'en Angleterre, dans certains milieux influents, on ne serait pas opposé à négocier une paix séparée avec l'Allemagne. Haushofer est tout de suite très intéressé. Ce professeur de géopolitique sait qu'inévitablement, Hitler entrera en guerre avec Staline. Et il estime que l'Allemagne n'aura pas les moyens de lutter sur deux fronts à la fois. Il en parle donc à Hess? Oui. Et ce dernier commence à s'enflammer. Pourquoi ne serait-il pas l'artisan de la paix entre son pays et l'Angleterre? Désormais, il ne pense plus qu'à ça. Et bien sûr, il pense que son premier interlocuteur en Angleterre doit être son ami, Lord Hamilton. Hamilton, certainement, lui permettra de prendre contact avec les plus hauts personnages de l'Angleterre, peut-être même avec le roi. Dites-moi quand même, avant d'aller plus loin, là, Rudolf Hess, était-il un type parfaitement équilibré? Son goût pour l'occultisme aurait déjà dû vous donner la puce à l'oreille, non? c'est certain, avait un grain. Et seulement un grain? Écoutez, je ne suis pas psychiatre. Mais c'est vrai que beaucoup de gens bien informés en Allemagne et ailleurs savaient que Rudolf Hess manifestait quelques signes de déséquilibre. Donc je poursuis. Fleming et son patron, Knight, ont ferré Hess. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut presser le citron jusqu'au bout et faire en sorte que le dirigeant nazi prenne la décision de venir lui-même en Angleterre négocier cette paix dont il rêve. Mmh. Mais à part la capture d'un éminent dirigeant du Troisième Reich, quel est le véritable objectif de Fleming? La propagande. L'Allemagne est fichue si l'un de ses plus hauts dignitaires quitte le navire. Ça signifie que celui qu'on représente souvent comme le successeur d'Hitler a compris que le Führer menait son pays à la catastrophe. Mais ça me paraît logique, ça. Mais comment arriver à obtenir ce résultat? En exploitant, une fois de plus, les lubies ésotériques de Rudolf Hess. Fleming, grâce à Crowley, sans doute introduit près du dauphin d'Hitler un astrologue. Un homme qui est complètement manipulé par les services secrets britanniques et qui va, à son tour, très habilement manipuler Hess. Ah, de quelle façon? D'abord, Fleming fait passer un message via Crowley et Haushofer. Lord Hamilton attend à tout moment son ami Rudolf Hess. La rencontre peut avoir lieu dans son château écossais. Ensuite, l'astrologue lui présente un horoscope truqué. Le 10 mai 1941, une conjonction astrale exceptionnelle doit permettre à Rudolf Hess d'accomplir son grand œuvre. Le nazi comprend aussitôt. C'est ce jour-là qu'il doit partir. Sa mission sera forcément un succès puisque les astres sont favorables. D'ailleurs, son ami et conseiller Haushofer le pousse à prendre cette décision. Et Rudolf Hess s'envole comme ça? Oui, et notez-le bien, il entre sans encombre au-dessus du territoire aérien anglais. Forcément, la défense anti-aérienne a été prévenue. Oui, mais je vais vous dire que moi, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Hein. Vous me croyez? Absolument. Eh bien, vous avez raison. La meilleure preuve, c'est, je vous l'ai dit au début de cet entretien, que Churchill ne va pas exploiter l'événement et lui donner toute la publicité qu'elle aurait méritée. Non, la vérité sur cette affaire est plus simple, plus inquiétante aussi. Rudolf Hess était-il fou? On a beaucoup glosé sur la santé mentale du dirigeant nazi. Pendant sa captivité en Angleterre, Hess, après avoir demandé en vain de pouvoir négocier une paix séparée avec les autorités britanniques, s'est muré dans le silence et a plusieurs fois tenté de se suicider. Le célèbre psychiatre français, le professeur Delay, a pu l'examiner à Nuremberg alors qu'il allait être jugé avec les autres criminels de guerre nazis. Il a conclu que Rudolf Hess souffrait d'amnésie hystérique. Dans le cas de Hess, l'amnésie a dû être réelle par moments, mais elle était doublée d'une sur-simulation. Il était dupe jusqu'à un certain point. Il essayait aussi de duper, c'est indéniable. Le psychiatre a encore expliqué. Sa dévotion à Hitler est totale. Il abdique sa personnalité entre les mains du Führer. Il ne connaît plus d'autres lois. Son mariage, qui a eu lieu en 1927, fait sourire les autres leaders nazis. On sait que sa vie sexuelle et sentimentale ne compte guère et qu'il n'est capable que d'un seul amour et que celui-ci est concrétisé par Hitler. Or, la guerre éclate. Hess sent que l'Allemagne est en mauvaise posture. Il sent que Hitler, son dieu, perdra la face. C'est pourquoi il va s'envoler vers le roi d'Angleterre pour lui tendre la main. Messager mystérieux du votant, personnage wagnérien au même titre que Lohengrin, il atterrira sur le sol anglais un rameau d'olivier à la main. Or, en Angleterre, Hess ne fut pas pris au sérieux. Son cas fut examiné par les psychiatres et fut interné. Un tel fait peut, de toute évidence, déterminer une amnésie hystérique. Par contre, le pasteur Charles Gabel, aumônier de la prison de Spandau, où Hess a été enfermé jusqu'à son suicide en 1986, déclare en 88 que, contrairement à ce qu'on a prétendu, Hess possédait toute sa raison. Et le pasteur ajoute, et l'on peut même dire que compte tenu de son âge, de son isolement et d'un état de santé de plus en plus déficient, sa vivacité d'esprit surprenait. Deux diagnostics contradictoires donc, mais peut-être que Rudolf Hess était encore plus simulateur que le professeur Delay ne l'affirmait. C'est aussi la thèse de M. X. Avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord tordre le cou à un canard. Un canard. Eh bien, on a prétendu que Hess n'était pas Hess. Attendez, soyez plus clair. On a dit que le prisonnier de Spandau n'était pas le vrai Rudolf Hess. Et avec quels arguments? Le corps du prisonnier de Spandau n'aurait eu aucune cicatrice. Or, Rudolf Hess a été blessé par balle au cours de la Première Guerre mondiale. On aurait donc procédé à une substitution? Oui, avec un sosie du nazi, et ça expliquerait pourquoi, pendant de si longues années, Rudolf Hess a refusé de voir sa femme et son fils. De peur d'être démasqué. Tout à fait. Mais attendez, quand même, cette substitution aurait eu lieu quand et pourquoi? Hugh Thomas, un médecin anglais qui a eu l'occasion de rencontrer le prisonnier de Spandau, a consacré tout un livre à cette thèse. Un best-seller, d'ailleurs. Selon lui, le vrai Rudolf Hess aurait été abattu par la chasse allemande alors qu'il se rendait en Angleterre. Et les services secrets anglais qui attendaient Hess ont trouvé un sosie pour le remplacer, dans un but de propagande, bien sûr. Et ce faux Hess aurait accepté d'être enfermé pour le restant de sa vie? C'est la thèse de ce médecin. Pardonnez-moi, ça me paraît complètement farfelu. Hein. Je vous l'accorde. Mais ça a quand même fait la fortune de ce médecin. Mais tant mieux pour lui, et tant pis pour l'histoire. Hein. Oui, alors redevenons sérieux plutôt. Rudolf Hess, après son équipée aéronautique, se trouve donc en Angleterre, au secret. Et d'ailleurs, bientôt, il sera enfermé dans un hôpital. Mais examinons objectivement les raisons qui ont déterminé Churchill à ne pas exploiter outre mesure l'événement. Les raisons apparentes, en tout cas. Allez-y. D'abord, lorsque Hess saute au-dessus de l'Écosse en mai 1941, la situation militaire n'est guère favorable à l'Angleterre. Les armées allemandes accumulent les succès militaires, en Afrique du Nord, en Grèce. Et sur l'océan, les sous-marins allemands triomphent, sans compter que les bombardements aériens sont presque quotidiens sur l'Angleterre. Puis les Américains ne sont pas encore entrés dans la guerre. Et rien n'indique encore qu'ils le feront, donc ça va mal. Et c'est à ce moment-là qu'un important dirigeant hitlérien débarque en Angleterre pour proposer la paix. Vous imaginez bien que donner de la publicité à l'événement ne serait pas très bon pour le moral de la population. Ouais, parce que ça aurait pu encourager le pacifisme ou le défaitisme. Bien sûr. Alors vous le savez bien, pour Churchill, c'était une lutte à mort qui était engagée. Et le gouvernement anglais avait absolument besoin d'avoir le peuple derrière lui. Oui, ça je peux comprendre. Ouais. D'autre part, Churchill devait aussi penser à Roosevelt. S'il voulait que les États-Unis s'engagent aux côtés de l'Angleterre, il devait faire la preuve que le moral des Britanniques restait bon malgré les bombardements, malgré les privations et les déboires militaires. Or, aux États-Unis même, certains qui étaient farouchement opposés à l'engagement américain prétendaient que les Anglais étaient au bout du rouleau et qu'il était donc trop tard pour aller combattre à leur côté. Qui en particulier? Joseph Kennedy, par exemple, le père de JFK, qui avait été un peu de temps avant ambassadeur à Londres. Oui, mais lui, il était loin d'être hostile aux nazis. Hein. Exactement. Churchill, donc, vous le constatez, avait de bonnes raisons de minimiser l'aventure de Rudolf Hess et l'importance de ses propositions de paix. Mais il y en avait encore une autre, encore plus considérable. Et c'est le vrai secret de cette affaire. Un secret qui explique pourquoi Rudolf Hess, dès son arrivée en Angleterre, a été interné. Ah ben on y vient enfin. Et l'on va reparler de quelques personnages que j'ai évoqués précédemment. Et en particulier des Haushofer, père et fils. Mais cette fois, débarrassons-nous de tout ce fatras occultiste et des prétendues manipulations de M. Fleming. Car l'action de ces hommes était bien réelle et nullement fumeuse. Ouais, je vous écoute, là. Intéressons-nous d'abord au fils Haushofer, Albrecht. Il était fonctionnaire au ministère allemand des Affaires étrangères où il disposait d'informations confidentielles. Très anticommuniste, il était comme son père partisan de la paix avec l'Angleterre où il comptait beaucoup de relations. Dans quel milieu et confédération? La bonne société, évidemment, les cercles dirigeants, mais il avait aussi des contacts avec les services secrets anglais. C'était un agent, lui, hein? Les Anglais le considéraient en effet comme tel. Ce qui signifie donc qu'il faisait semblant, alors. Vous avez deviné. En fait, Albrecht Haushofer, sans être un nazi pur et dur, était comme son père, un nationaliste convaincu. Et ce qu'il a fait, il l'a fait pour le Troisième Reich, indubitablement. Mais d'accord, mais alors qu'a-t-il fait? Fin 1940, Hitler renonce à envahir l'Angleterre, il sait que le prochain ennemi qui l'attend se trouve à l'Est. Mais Staline. Oui. Avec le pacte germano-soviétique, il a réussi à endormir l'ours russe. Mais tôt ou tard, celui-ci se réveillera. Déjà dans l'entourage du Führer, certains, comme Haushofer père, pense à une paix séparée avec l'Angleterre, mais pas n'importe quelle paix. Oui, pas n'importe quelle paix, c'est-à-dire? Les nazis ne peuvent pas pactiser avec ceux qu'ils appellent les bellicistes, Churchill en premier. Par contre, il existe des hommes dans les milieux conservateurs qui sont tout prêts à engager la discussion et que le nazisme n'effraie nullement. Mais vous avez des noms? Bien sûr. Il y a par exemple Harold Balfour, le sous-secrétaire d'État à l'aviation, Lord Dunglass, Butler, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères, Lord Lothian, ancien ambassadeur à Washington, Lord Halifax et aussi Lord Astor, le propriétaire du Times, et quelques honorables parlementaires. Sans oublier le duc de Hamilton, l'ami de Rudolf Hess. Tous ces gens sont partisans de traiter avec Hitler. Et tous sont plus ou moins des relations d'Albrecht Haushofer. Vous commencez à comprendre? Oui, un peu, mais il y aurait donc eu un clan germanophile et pacifiste en Angleterre. Hein. Je vous l'affirme. et certains agents des services secrets y appartenaient. Les contacts de Haut Chauffeur. Oui, ce sont eux, en cachette du cabinet britannique, qui ont permis que Rudolf Hess puisse communiquer avec son grand ami Hamilton, à qui il a envoyé plusieurs messages où déjà cette paix séparée était évoquée. Ça ressemble à un complot, ça. On n'en est pas loin. Or, écoutez-moi bien. Peu avant l'arrivée surprise de Rudolf Hess en Écosse, Albrecht Haut Chauffeur fait parvenir une information capitale à ses contacts anglais. Le chancelier Hitler a confié à Rudolf Hess que son espoir était de parvenir à une cessation des hostilités avec l'Angleterre. Il n'y aurait ni vainqueur, ni vaincu. La fin de partie serait sifflée sur un match nul. Et c'est crédible, d'après vous ? Assurément. C'est ainsi que le voyage de Rudolf Hess va être projeté. Avec la bénédiction d'Hitler, bien évidemment. Comment voulez-vous qu'il n'en ait été autrement ? Donc, Hess part en Angleterre, mais que va-t-il faire exactement ? Il va proposer la paix aux Anglais. À tous ces Anglais qui sont prêts à discuter avec Hitler. Malheureusement pour lui, il y avait des gens honnêtes dans les services secrets anglais. Et tous les messages adressés à Hamilton avaient été interceptés. La tentative de Rudolf Hess était donc condamnée à l'échec. Je veux bien vous croire, mais alors pourquoi a-t-on gardé Rudolf Hess si longtemps au secret ? Parce qu'on a trouvé sur lui, à son arrivée en Écosse, la liste de tous les membres de la conspiration. Hess savait donc que des noms prestigieux de l'aristocratie ou de la politique étaient compromis. Il fallait le faire taire pour éviter de provoquer un gigantesque scandale. En pleine guerre, c'est la solution qu'a trouvée Churchill, non sans raison. Dans un livre publié en France chez Gallimard, Eugène Bird évoque les amis anglais d'Albrecht Haut Chauffeur. Ils étaient nombreux dans la gentry anglaise et tous étaient en effet en faveur d'une entente germano-britannique, ce qui conforte la thèse de M. X. D'autre part, un écrivain, David Irving, auteur d'une biographie de Rudolf Hess parue chez Albin Michel, s'est interrogé sur les liens qui existaient entre Hess, Haut Chauffeur, et le duc Hamilton. Et il estime que ces liens étaient de nature plus profonde qu'on ne l'avait imaginé. Il écrit « Quelques éléments de l'histoire personnelle de Hess amenèrent plus d'un des experts qui l'interrogèrent à diagnostiquer une tendance latente à l'homosexualité, diagnostic exprimé de la façon la plus crue par le colonel Andrews, commandant de la prison de Nuremberg qui, en 1945, dans un mémorandum confidentiel, affirmait que Hess et Hitler avaient eu des relations homosexuelles lors de leur détention à Landsberg en 1924. Pour étayer sa thèse, Irving mentionne encore les odes et les poèmes qu'échangeaient Hess et Haut Chauffeur, des échanges qui éveillèrent la jalousie de la fiancée de Hess. Ce dernier, qu'on appelait Fraulein, mademoiselle, dans les cercles nazis, aurait eu, d'après un rapport de la Gestapo, des relations homosexuelles avec Albrecht, le fils de Haut Chauffeur, et le jeune et beau duc de Hamilton. Ragot ou réalité, cette hypothèse aurait au moins le mérite d'expliquer pourquoi Rudolf Hess s'est adressé avec tant de confiance au duc de Hamilton. Une confiance que le Lord a déçue, bien malgré lui, peut-être. À samedi prochain sur France Inter.